chacun est venu ne cesse de changer. Et c'est celle-ci qui est vraiment mon prime. Vérité, spontanéité, clarté, naturelle, c'est des mots simples à appliquer.